Salut Katou. Salut Mio. C'est con. C'est comme les trucs à l'américaine. Ouais, quoi, pourquoi un tel enjouement? Donc, bonjour à tous pour un nouvel épisode de Après-midi Raclette. Où on va vous parler les films de Noël. Donc parce que c'est la période, parce qu'il fait bon vivre, parce que c'est Noël. Et parce qu'il y a des films qu'on a envie de se revoir justement cette période-là. Voilà. Donc Mio va nous évoquer Klaus. Voilà, Klaus de Sergio Pablos. Gremlins 1. Voilà, de Joe Dante. De les films de Miyazaki. De Miyazaki, du coup. Oui, des films Miyazaki sans distinction. Mais avant tout, j'ai. Et toi, Katou? Je vais vous dire deux, trois petits mots sur les films de Noël. Alors, de mon côté, en fait, j'ai vu que ça s'affolait pas mal, en fait, cette année sur TikTok, sur les films de Noël. Il y a plein de vidéos où chacun y va de son petit mot sur le sujet. T'as même une nana qui a décidé de faire un espèce de calendrier de l'Avent des films de Noël. Hashtag film de Noël. Voilà, mais alors elle le fait de manière un peu condescendante, un peu comme font certains où ils te parlent tout le temps de mauvais films, mais tu sens pas qu'ils ont de l'amour pour ça, mais tu sens qu'ils aiment juste dire du mal du film, en fait. Oui, ou alors juste pour surfer sur la vague, voilà, et le trend, quoi. C'est ça. Donc après, TikTok, ça se découvre, quoi. Sur les films de Noël. Et pour ma part, en fait, même si petite, pour moi, les vacances de Noël, ça voulait dire mater tous les Sissi sur TF1. Ou la caverne de la rose d'or. C'est ce que j'allais le dire, en fait. Merci de me dire la suite de mon texte. On a tous vu les mêmes films. Je sais pas s'ils passent toujours, d'ailleurs, les Sissi. Non, ils passent plus. D'accord. C'était d'une autre époque. Oui, c'est ça, on est vieux. De base, en fait, pendant longtemps, quand on pensait films de Noël, c'était surtout les films pour enfants ou des films familiaux, type « Maman, j'ai raté l'avion » ou « Le Grinch » avec Jim Carrey, ou même « La course aux jouets » avec Schwarzenegger, ou toutes les sorties Disney pendant longtemps, puisque la période, c'est une cible marketing idéale pour la firme, même si maintenant, c'est un peu perdu, parce que finalement, les productions Disney, c'est plus les mêmes, pour la période. On a tous remarqué que Disney est un peu en perte de vitesse depuis une dizaine d'années, là, en plus. Or, chaque année, en fait, encore plus avec l'arrivée des plateformes de streaming, on s'aperçoit qu'en France, en fait, nous sont livrés toute une fournée de films et de téléfilms de Noël. Souvent, c'est des productions hyper calibrées qui se dispatchent les uns les autres, en fait, entre les différents canaux de diffusion, donc télé, cinéma, plateforme de streaming. Et on en avait conscience, avant, qu'il y avait quand même des fournées chaque année, puisqu'on se mangeait les téléfilms de Noël sur M6 ou TF1 tous les après-midi depuis les années 90 au moins. Mais voilà, on s'est rendu compte que l'iceberg était encore plus gros qu'on pensait. Avant, on avait le bingo à cocher, maintenant, c'est le super bingo. Parce que le marché de Noël, en fait, le marché du secteur de Noël, c'est hyper important pour l'industrie anglo-saxonne. Et comme on se mange grandement ce que mangent les anglo-saxons, donc eux, ils ont en plus les albums qui sortent spécial pour Noël, les épisodes de séries télé spéciales Noël qu'on a tous bouffé depuis qu'on était petits, mais ils ont en plus les émissions TV spéciales Noël. Big up au mythique Christmas Special de Star Wars, d'ailleurs, que ce cher George Lucas a voulu planquer longtemps et qu'au final, tout le monde a fini par voir. Tu ne peux pas cacher la vérité, George. Voilà. Et du coup, en fait, toute l'année, l'industrie prépare le gros package à nous livrer pour les fêtes. Et en fait, dans ce lot, le produit plus consommable, pas cher et confortant, on a le fameux... Par un cas de force majeure, une jeune femme dynamique est obligée d'aller dans un trou perdu qui peut être également son bled d'enfance, où elle va faire connaissance, slash renouer avec un mec au mauvais caractère, slash ou juste avec qui elle s'entend pas, histoire de créer un petit peu de mouvement émotionnel dans l'histoire, mais avec qui elle va finir par faire sa vie, parce que l'amour, c'est trop bien. Et parce que c'est la magie de Noël. C'est en gros le scénario de Un château pour Noël avec Brooke Shields et Carrie West, par exemple. Et justement, dans ce genre de production, on trouve d'un côté des productions assez cheap avec des acteurs de séries télé plus ou moins connus, pour qui être en tête d'affiche, en fait, c'est un pas en avant dans leur carrière, puisqu'ils se démarquent un petit peu, souvent des chaînes qui se démarquent un petit peu, et souvent sur, pour des chaînes genre, des chaînes TV genre Hallmark ou Lifetime. Alors chez nous, ça a atterri sur M6, M6 ou TF1, le mercredi après-midi justement, ou même Netflix. Et de l'autre, comme ici, des anciennes gloires qui font ce qu'ils peuvent dans leur carrière en essayant ce genre de production. D'où tu peux retrouver Boucher, les Carrés et Watts. Et c'est marrant parce que la façon dont tu m'as lu ce résumé de film, mais je me dis, bien avant ChatGPT, il y avait déjà des gens qui avaient leur grosse boule de loto qui piochaient, puis ah, donc ça va être une jeune trentenaire, ah, elle retombe dans sa petite ville. Ah, c'est un cahier des charges. Voilà, donc... Attends. Donc en fait, en gros, c'est le... Donc là, en fait, il y a essentiellement... voilà, dans les films romantiques de Noël, on a de manière très répandue les romances que tu t'opposes, avec l'un qui est inaccessible ou fermé à l'amour, ou qui a le cœur brisé aussi, ça marche, hein, ça donne un petit côté dramatique. Et de l'autre, quelqu'un qui est juste un père de famille, ou l'homme à tout faire du coin dans un petit blague que tout le monde apprécie. Coucou Freddie Prinze Jr. dans Christmas With You sur Netflix par exemple. C'est un concept de scénario en fait qui est assez classique. Tu peux le retrouver toute l'année, ça, hein, dans la partie de production un peu cheap. C'est vraiment un scénario ? Et où finalement, t'as juste à rajouter juste un sapin pour le sortir en décembre, en fait. Imaginez Coup de foudre à Noctimille avec un sapin, et ben ça donnerait un des segments de Love Actually. Voilà. Et Love Actually, qui, comme Bridget Jones, c'est un film de Noël où finalement tout le monde va trouver l'amour, alors qu'à la base, on n'est pas grand chose dans la vie. D'ailleurs, Love Actually, Noctimille et Bridget Jones ont pour point commun Richard Curtis, tantôt scénariste ou réalisateur, qui est devenu un peu une espèce de référence en fait dans la comédie romantique anglaise, ou juste comédie anglaise à bon sentiment, hein, juste. Et Love Actually, qui devant autant de pognon gagné et d'amour répandu, a inspiré les Américains pour faire coup sur coup Valentine's Day en 2010 et Happy New Year's ou New Year's Eve en 2011, tous deux réalisés par Gary Marshall. Gary Marshall, qui a été réalisateur de Pretty Woman ou Princesse Malgré Elle. Donc quelque part, c'était un peu le choix d'un réalisateur assez logique. Mais l'amour, en fait, c'est le 24 décembre. C'est pas un autre moment de l'année. Donc même si Valentine's Day s'en est un peu rapproché, bah, ils ont pas fait mieux financièrement. Et surtout, Love Actually a fini par perdurer dans l'esprit collectif. Et il y a d'ailleurs une petite ressortie en 4K cette année pour les 20 ans. Alors que... À mon avis, il faudra pas s'attendre à un truc pareil pour les deux autres. Et c'est vrai qu'en termes de romance, en fait, quand c'est mélangé à la magie de Noël, on y croit un peu plus que le 14 février où c'est juste ton conjoint ou ta conjointe qui t'emmène au resto quand t'as de la chance. Parce que Noël est propice à tous les miracles. Certes, mais un petit truc sur Love Actually, quand même un truc intéressant. Mm-hmm. J'ai vu justement qu'il avait donc ressorti pour une seule date, je crois que c'était... Donc si tu pouvais pas aller voir la date donnée, bah voilà, t'es baisé. Mais pas par le fait. Et le truc, c'est qu'on oublie que Love Actually, c'est donc, d'abord avant tout un casting. Oui. Il y a beaucoup d'interprètes, donc on passe de Bill Nighy à Rowan Atkinson, à notre ami de Liam Neeson, et moi je vois le casting, je fais, ah oui, quand même. Et c'est pour quand même ça, très bien desservi, quand même. C'est pour ça qu'en fait, quand tu regardes Valentine's Day et New Year's Eve, sont foutus sur le même modèle. Tu as des segments d'histoire avec un casting de malade. C'est un peu, c'est le film choral qui est pour les fêtes. Donc Noël en fait, c'est tous les miracles, d'où l'amour. Donc c'est beau. Voilà. Donc qui dit miracle à Noël, on a aussi toutes les histoires avec des enfants, aux personnages principaux, ou c'est le personnage principal qui découvre un truc magique à l'approche de Noël. Après, dans les classiques, on ne peut pas ne pas évoquer toutes les variations d'adaptation de l'histoire d'Ebenezer Scrooge dans Un chant de Noël, de Charles Dickens, avec les fantômes du passé, du présent, du futur, censés insuffler une révélation sur la nature humaine aux protagonistes. Ça, de toutes les époques, ils ont toujours trouvé un moyen de réadapter le truc, c'est sans fin. Je pense qu'on pourrait encore se le refaire de nos jours, on se dirait... En fait, on fait même plus attention au fait que ça reprend ce concept, et finalement on se dit, ok, c'est le truc habituel, qu'est-ce qui se passe d'autre, en fait. Et moi, je sais pas vous, mais moi, la première variation de cette histoire que j'ai vue, C'était celle de Picsou. Ah bah oui, oui. Voilà. Ouais, bah la plus classique était la plus connue. Et qui est la plus parfaite aussi. Parce que forcément, Picsou, Ben et Scrooge, bah c'est un peu parfait, quoi. Donc oui, à Noël, il s'agit avant tout d'amour propagé à grosse poignée, ce qui permet d'attirer votre attention sur deux films, en fait, plus défouloirs. C'est-à-dire les films de Noël d'horreur, où le Père Noël ne vient pas que distribuer que des cadeaux. Donc, coucou la série des douces nuits, sanglantes nuits, 1, 2, 3, 4, blablabla. Faut savoir que quand on parlait de Star Déchu, bah Mickey Rooney est dans le 5, par exemple. Ou les Krampus aussi. Ou même j'y mettrais aussi Jack Frost, en fait, qui tient plus du comic que du film d'horreur. Ouais. Après, on peut en trouver d'autres, hein, ça c'est sûr, mais bon, bref, c'est ceux qui me donnent plus comme ça. J'ai en France, on est plus timide sur ce type de production, on a bien eu dans des genres différents. J'ai rencontré le Père Noël avec Karen Cheryl, ou 36-15 Père Noël de Romain Manzor, avec un gamin un peu geek et Brigitte Fosset, film qui aurait inspiré Maman, j'ai raté l'avion, ou même Santa et compagnie, avec Alain Chabat et Audrey Tautou. Mais avec le temps, en fait, c'est comme si on n'assumait pas en fait, de faire dans le film de Noël, et que finalement, il fallait que ça fasse un objet cool, en fait, qu'on n'ait pas honte de dire qu'on l'a regardé. Par exemple, cette année, on a un Noël stupéfiant qui ressemble par moments à un long sketch mêlant postulat de départ un peu magique et une conclusion pleine de bons sentiments, mais avec des guests, en fait. Tu vas retrouver Philippe Lachaud, Monsieur Poulpe, enfin, toute la classique. Tu vas même trouver Alex Lutz, en fait. Le casting principal de base, c'est Éric Judor et Ragnar le Breton, quoi. Mais on a aussi Noyeux Joël avec Emmanuel Seignier, de manière un peu inattendue en fait, et Franck Dubosc qui apparemment essaye de plus trop faire du Dubosc. Hein. On sent que le gars a essayé de... Mais même je crois que le même film, le film qu'il avait fait avant, je sais plus c'est lequel, où tu sens qu'il essaye de baisser un peu le ton dans son jeu, où il sent qu'il a enfin compris que les gens en ont ras le cul en fait. Et en fait justement en ce qui concerne Noël Joël, si la bande-annonce revient un petit peu, en fait il paraîtrait que c'est pas si mauvais que ça. Donc, bref, en gros, de nos jours, en fait, on peut observer que finalement, la production de Noël, c'est un passage obligé dans la carrière de beaucoup d'acteurs. On a eu Elf, par exemple, aussi, avec Will Ferrell, il y a plus de 20 ans. Ou même Kurt Russell et Goldie Hawn, en fait, on les leur avec The Christmas Chronicles 1 et 2, disponibles sur Netflix. Tim Allen, qui a généré une franchise avec ses films Super Noël, où il devient Père Noël, qui les a fait aboutir sur une série disponible sur Disney Plus. Tim Allen, ouais. T'en peux plus, tu sais, tu vois ça une fois et tu te dis comment ça, il a fait des suites. C'est ça. Car oui, en fait, les plateformes en fait, de streaming sont un moyen supplémentaire de décupler les profits concernant les productions de Noël. Cette année, on a aussi, par exemple, Noël à Candyland, sur Prime, avec Eddie Murphy, qui est un truc assez basique. C'est-à-dire que le début est un peu chiant, et puis au final, après, tu te rends compte que, bon, il y a un peu de magie, c'est un peu... Après, c'est une histoire de classe, c'est-à-dire qu'il y a un méchant à vaincre, bon, mais ça finit toujours sur un truc. En plus, tu sens qu'il a essayé un petit peu d'attirer un nouveau public un peu plus moteur chez les jeunes, parce qu'en fait, dans le film, tu as les Pentatonix, par exemple, les Pentatonix, c'est un espèce de groupe de chant a cappella qui a cartonné sur YouTube, qui est devenu assez célèbre aux États-Unis et tout, et il leur fait jouer une chorale dans le film, en fait. Donc, bon, bah, d'un point de vue marketing, il y a une espèce de technique, là, un peu. Au cinéma, en version film de Noël acceptable et un peu auteuriste, machin, en fait, on a Winter Break, aka The Holdovers, de Alexander Payne, avec Paul Giamatti, qui est l'histoire d'un prof, en fait, dans une école privée qui se retrouve à babysitter un de ses élèves, qui est coincé aussi avec lui pendant les fêtes, quoi. Mais dans les deux cas, en fait, on a du bon sentiment et une conclusion un peu similaire. Il faut donner de l'amour aux gens. Voilà. L'amour. Donc bref, les films de Noël, en fait, c'est surtout beaucoup de réconfort et l'occasion de finir l'année sur de bons sentiments quand on en a bavé toute l'année. Voilà. Et donc, cher Nio, tes films de Noël, alors? Alors, ben, je vais commencer, comme tu as dit tout à l'heure, par Klaus. Donc Klaus, c'est un film qui est co-réalisé par Sergio Pablos et Carlos Martinez Lopez. Lopez, on n'a pas beaucoup d'infos sur lui parce que visiblement, il débute. Mais Sergio Pablos, lui, c'est quelqu'un qui a fait ses armes en tant qu'animateur chez Disney. Donc pas mal Disney des années 90 et 2000 où il a travaillé dessus, comme Hercule en 97, Tarzan en 99, La planète au trésor en 2002. Par la suite, on l'a revu scénariste sur Yeti et compagnie, ainsi que Moi, moche et méchant en 2010. Yeti et compagnie en 2018, on l'a déjà oublié, c'est DreamWorks. Et Klaus est son premier long métrage. Et il en prépare un nouveau aussi pour Netflix qui devait sortir en 2023 et qui est repoussé en 2024. Avec une petite fille à la préhistoire qui se met en quête de chasser une espèce de lumière magique. Et voilà, je peux lui souhaiter du bonheur parce que quand on voit Klaus qui est déjà monstrueux pour un premier essai, quoi, c'est fabuleux. Parce que Klaus, c'est vraiment l'incarnation de l'esprit de Noël. Déjà, l'histoire du film, c'est la création du mythe de Noël qui va être expliqué avec ce postier qui s'appelle Jesper, qui a fait sa papa, qu'on envoie sur une île et puis on lui dit « Ouais, t'as un ultimatum, il te faut un an pour que tu aies envoyé plus de 6000 lettres, etc. » tout ça. Et il va faire la connaissance de ce vieux charpentier qui crée des jouets pour enfants, qui est isolé, etc. Et voilà, qui s'appelle Klaus. Et à eux deux, ils vont donc créer tout le mythe de Noël. Je vais pas en dévoiler plus si vous avez pas vu le film, mais c'est vraiment très bien construit, c'est-à-dire d'un point de vue graphique, ça commence dans les tons gris, ça reflète vraiment l'état d'esprit du postier quand il arrive dans cette île qui est isolée, qui est perdue, et plus les relations avec le vieux charpentier qui s'appelle Klaus, ça commence à se réchauffer, plus les tons du film va commencer à se colorer, et on a à la fin un final qui est extrêmement coloré, là où le début du film ça commence à être un grisâtre, tout ça. Voilà, le mythe de Noël en lui-même, tout le folklore de Noël est intelligemment réutilisé. Au lieu d'avoir les lutins qui servent le Père Noël, par exemple, on a les Samis. Toutes les tribus, les Samis qui vont aider Klaus, etc., qui vont se substituer au fameux lutin de la légende. Il n'y a pas de reine, par contre, mais il y a une calèche que le postier et Klaus, ils conduisent dans toute l'île. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment l'esprit de Noël, mais vraiment au sens propre. On a toute la création du mythe de Noël, et c'est vraiment un film avec des bons sentiments, mais qui prend jamais le spectateur pour un abruti. C'est drôle, visuellement c'est soigné, c'est inventif, il y a à chaque fois une idée toutes les 5 minutes, et même le style graphique, ça s'inspire du style de Evan Earle. Evan Earle, c'était le concept artiste sur La Belle au Bois Dormant en 59, donc ça vous dit le niveau graphique, voilà. Parce que des gens ont dit « Oh, c'est de la 3D !» Non, non, c'est de la 2D, mais c'est fait de manière que chaque détail puisse imiter la 3D et quelques incrustations sur ordinateur pour des plans, des travelling en avant, en arrière, mais sinon c'est de la 2D qui imite la 3D. Là où un film comme Le Dernier Spider-Man, c'est de la 3D qui essaye de revenir à un aplat 2D avec des trames, etc. Voilà, voilà. Et c'est quand même un boulot de dingue quand on se rend compte. Voilà, c'est le premier film du studio que Pablos et Lopez ont créé qui est à Barcelone, leur premier film d'animation. Et c'est une réussite totale. Le film a été, je sais plus s'il a gagné des prix. Il est nominé aux Oscars, il en a eu. Ah, ouais, le truc, c'est c'est typiquement le genre de production qui est toujours nominé au Oscar, en fait. Et c'est un peu troublant parce que Je crois qu'il a eu des prix. Bah, le truc, c'est que c'est un peu troublant, c'est que du coup, tu finis par plus savoir, en fait, quand il a vraiment mérité sa nomination ou pas, en fait. Donc, voilà, Klaus, c'est un film de Noël, c'est un film sur Noël, c'est un film pour Noël. Bref, c'est vraiment le film de Noël. Ils ont eu une nomination aux Oscars 2020 de meilleur film d'animation. Mais par contre, ils ont eu la récompense au BAFTA 2020 pour meilleur film d'animation. Eh, c'est pas de la merde non plus. Oui. Donc voilà, c'était l'un de mes films de Noël que je me suis revu récemment. Donc, et pour l'occasion, vu qu'on entre dans la période. Et à nouveau, je ne suis pas déçu, c'est à nouveau une belle claque. Et du coup, donc mon deuxième film, c'est Gremlins, le premier des deux. J'allais dire le premier de tous, mais en fait non, pour l'instant, on n'a pas de nouveau Gremlins en train de patiner, et c'est peut-être pas plus mal. Donc le film de Greg Zotante, qui date de 84, sur un scénario de Chris Columbus, qui est lui-même devenu réalisateur de films assez connus par la suite. On va pas revenir sur sa carrière, parce que je pense que on en connaît tous un peu un chacun, que ce soit Harry Potter ou même en Jardin d'Avion. Mais il nous a sorti récemment Les Chroniques de Noël 2, en 2020, avec Goldie Hawn et Kurt Russell, dont tu parlais, Katou, sur Netflix, ce qui, quelque part, me permet de boucler la boucle. Donc, mais revenons à Zodante. Donc, Gremlins, produit par Spielberg, c'est un film de Noël, en fait, qui se veut un film de Noël qui est en fait un anti-film de Noël. C'est-à-dire que, dans ce premier Gremlins, tout arrive au moment des fêtes, et tout va être gâché. Le moindre instant de fête de Noël, Joe Dante prend un malin plaisir à gâcher volontairement la fête de Noël, ou plutôt ridiculiser les bons sentiments qui arrivent par couches de guimauves de Noël. Alors ça va des Gremlins qui se cachent dans le sapin pour attaquer la mère dans le film. D'ailleurs, au passage, il est très surprenant de constater que le film reste encore très violent. C'est une violence physique, les Gremlins qui attaquent la mère, elle est obligée de se défendre à coups de couteau, ou d'en foutre un dans le micro-ondes, etc. Le final du film avec qui se déroule dans un petit magasin, avec le chef des Gremlins qui est lui-même assez barbare, t'en dis pas plus, mais une scène de tronçonneuse, on s'est demandé s'il a pas voulu faire son Toby Hooper. Bon, moi je crois que c'est le premier film de Noël que j'ai dû voir. Hein. Ouais, voilà, mais tu as vu un bon film de Noël. Et même à un moment, c'est juste un moment, il en profite pour se moquer de Disney, d'ailleurs, Disney avec les bons sentiments, vu que les Gremlins sont dans une salle de cinéma et ils s'accachent totalement la projection de Blanche-Neige, etc. C'est un carnage total. Voilà, et puis il y a aussi ce moment incroyable où il y a Phoebe Cates, qui fait tout un monologue parce que pendant tout le film, elle dit qu'elle supporte pas Noël, elle sent toujours seule dans ses plans, tout ça. Et là, à la fin du film, elle explique pourquoi elle aime pas Noël, et c'est le moment le plus grave et le plus incroyable du film, qui n'est même pas lié aux Gremlins, et voilà, et même le plan final du film. On se dit c'est un happy end, le film se termine bien. Oui mais non, parce que le plan final du film, on a tendance à oublier, et c'est bien que ça ouvre une suite pour Gremlins 2. Le plan final du film, en fait, c'est que Gizmo, la petite bestiole, ben, à cause de toutes les conneries qu'il y a eues, elle repart chez le vieux monsieur chinois qui tient la boutique, etc. Et le plan, c'est ça, c'est le bonhomme qui s'en va avec Gizmo, etc. Dans la rue déserte, la rue enneigée, etc. On peut penser à Scrooge ou à plein de trucs, mais à ce plan, on dirait sorti d'un conte avec la rue enneigée et le monsieur qui s'en va avec Gizmo, etc., avec la lune, et Billy qui vient de faire ses adieux à son ami, sans savoir que quelques années plus tard, il le retrouvera dans Gremlins 2. Magie des suites. Mais Gremlins, c'est un conte de Noël, pour moi. Mais c'est un conte de Noël, mais comme je l'ai dit, voilà, c'est un anti-conte, où Joe Dante va tourner tous les bons sentiments, tous les trucs de guimauve de Noël, il va les retourner dans la gueule du spectateur. On n'en entend pas moins de Joe Dante en même temps. Ça aurait été Chris Columbus qui aurait tourné le film, vu que c'est son scénario. Voilà, ça aurait été mignon, sympathique, comme Maman j'ai raté l'avion, mais ça aurait pas atteint le tel degré de hargne qu'il y a. Parce que n'oublions pas que dans ce film, il y a des gens qui se font écraser par un bulldozer, par les Gremlins. Il y a une pauvre mémé qui va se faire dézinguer par la fenêtre, avec son appareil, son petit fauteuil roulant qui est bricolé par les Gremlins. Il y a toute une piscine, tous les Gremlins qui tombent dans une piscine, qui envahissent du coup toute la ville. Et encore plein d'autres péripéties que je ne vais pas citer. Si vous n'avez pas vu Gremlins, eh bien, j'espère que je vous donne envie de le voir, parce que c'est vraiment la période idéale. Et puis, qui sait, peut-être que vous allez pouvoir voir ce film avec des petites créatures à poils longs ou courts à côté de vous. Et peut-être que vous allez leur donner un petit peu quelques croquettes après minuit, un petit peu d'eau, tout ça, on sait jamais. Faites attention pour votre visionnage. Voilà pour mon deuxième film. Et enfin, pour mes derniers films, en fait, je dis dernier, je vais envoyer donc sur des films de Miyazaki. C'est une idée constante que j'ai remarqué depuis quelques années. Souvent, en novembre, décembre et en janvier, je me revois régulièrement des films de Miyazaki. Et donc, dans ces cas-là, c'est très vaste. Parce que Miyazaki, c'est quand même plus de 30-40 ans de cinéma. Ça va aussi bien de Ponyo, qui date de 2008, à Nausicaa, qui date de 84, en passant par Kiki la petite sorcière, en 89, ou Princesse Mononoké, en 97. Le plus souvent, c'est des films que j'ai eu la chance de voir en salle. Et oui, The Tombulant aussi. Voilà. Non, mais on va pas tous les citer. Il y a tout qui me parle de The Tombulant. Le Royaume des Chats. Alors, c'est pas Miyazaki, Le Royaume des Chats, c'est Ghibli. D'accord, ok, excuse-moi. Mais c'est vrai que j'aurais pu citer d'autres Ghibli, parce que Le Royaume des Chats, on pense à Souvenir de Marnie, on pense à Arrietty. Enfin bref, les autres films où Miyazaki n'est pas dessus. On parle aussi de Takahata, par exemple. Mais voilà, entre Takahata et Miyazaki, il y a quand même un monde. On parle quand même du réalisateur de Pompoko et du Tombeau de Luciole avec Takahata, donc voilà, c'est comme si on réunissait dans la pièce le mec hyper sérieux, hyper triste, et puis de l'autre côté un aventurier. L'aventurier, je pense, c'est un Miyazaki, parce que c'est un Miyazaki. Par contre, voilà, on a tous le souvenir des documentaires ou même des photos de Miyazaki, c'est devenu des mèmes avec Miyazaki qui est toujours un obsédé de travail, etc., qui s'arrête jamais. Peut-être qu'il va peut-être réussir à finir son prochain film. Peut-être qu'il va disparaître pendant le bouclage son prochain film et que c'est quelqu'un d'autre qui va le finir à sa place. Mais ce serait bien quand même qu'il arrive à le finir avant de disparaître, parce qu'il est plutôt jeune. 82 ans, si je me souviens bien. Alors moi, sur Miyazaki, j'ai surtout souvenir d'ailleurs de cette anecdote où son fils en fait a fait Aya et la sorcière et ouais. Qu'il paraît qu'il est sorti en pleine projection en fait Miyazaki. C'est horrible, tu montres le film que t'as fait à ton père qui est une sommité dans le genre en fait, qui se barre en plein dans le film quoi. Oui, et c'est d'ailleurs intéressant quand tu vois Le Garçon et le Héron, parce que Le Garçon et le Héron, on sent, mais tout le monde l'a remarqué, c'est comme si Miyazaki se cherchait vraiment un successeur, et cette question de paternité, de transmission dans Le Garçon et le Héron, qui pour la première fois apparaît dans toute son œuvre, alors que les autres films n'en parlaient pas du tout. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que bah, tu sais qu'à tout, que son fils à la base, il est jardinier. Et on est allé le chercher pour la colline Coquelicot, ou pour les contes de Terre-Mère, tout ça. Alors, les contes de Terre-Mère, j'étais ressorti très mitigé du film. J'ai pas vu les colline de Coquelicot, qui a parti de bons échos. Mais je peux comprendre, sans l'excuser non plus, mais je peux comprendre la réaction de Miyazaki père. Voilà. Et il semble que le studio continue de se chercher un successeur. Parce que Takahata les a quittés. Moi, je la comprends pas. C'est-à-dire, en fait, ça te fait tirer jusqu'à la fin. Après, tu lui dis ce que t'en penses, mais tu te barres pas en plein. C'est-à-dire, en fait, ça dénote aussi quelque chose de son caractère à lui. C'est-à-dire que. Ah, mais oui, il totalement. Doit avoir une, et quelque chose de son caractère à lui qu'on retrouve aussi dans sa, dans son, dans la manière, dans la fameuse anecdote qu'il a eue avec Harvey Weinstein, qui lui a coupé son fils et qui lui envoie un katana, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il doit avoir une espèce de truc un peu, un caractère un peu catégorique ou très attranché, ou finalement, en fait, c'est le fait qu'il n'arrive pas à trouver ce successeur, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il doit être d'une exigence incroyable sur ce qu'il transmet, et que du coup... C'est ça, on s'en rend pas compte, mais le documentaire sur Miyazaki, j'ai vu un documentaire sur Arte il y a quelques temps déjà, c'est pour ça que le mec est très... Il est dur, il est très carré, il est perfectionniste, on s'en rend pas compte comme ça. Et même les équipes, etc., pour tenir les délais, ils sont en train de travailler. Miyazaki, il fait je vais cuisiner pour vous, etc. Et on voit commencer à préparer des pâtes, etc., tout ça, pour toute l'équipe, pour que l'équipe puisse terminer, etc. Et lui, il continue d'être quand même sur leur dos, etc. Je vais pas prendre le père fouettard. Mais c'est, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, extrêmement exigeant. Je dirais qu'il vit son truc, c'est-à-dire qu'il est. C'est limite quand tu es l'incarnation de ce que tu transmets, de ce que tu fais. Et que finalement, tu n'arrives pas à stopper, à trouver la limite à un moment de te détacher de ce que tu fais, en fait. Oui, mais c'est intéressant de voir la réaction aussi bien de Miyazaki envers son fils que envers ses pères dans l'animation. C'est-à-dire que Mamoru Oshii, à un moment, a été approché par le studio Ghibli, par Toshio Suzuki, le producteur et président de Ghibli, pour devenir un des réalisateurs Ghibli. Et Mamoru Oshii, il a décliné. Il a décliné, il a dit non, je suis désolé, mes films, ça n'a rien à voir avec Studio Ghibli, ce que fait, etc. Et je suis pas sûr de supporter la pression. La pression, c'est je pense aussi. Qu'il devait parler de Miyazaki quand même. C'est ça aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'il se trouve pas de successeur parce qu'il n'y a personne qui se dit je pourrais pas. Ça sera difficile qu'il me transmette ou qu'il m'adoube avec son caractère aussi. Il aurait pu y avoir un successeur, il aurait pu en avoir deux. Il y en avait un, il y avait Yoshifumi Kondo, qui était le réalisateur d'un petit film pour Ghibli, d'ailleurs dont les images ont été reprises pour la Lofi Girl. Je ne me rappelle plus trop ce film. Si, je me rappelle le titre japonais, Mimi wo Sumaseba. Parce que pendant longtemps, je l'ai vu en DVD, parce qu'il était introuvable. C'est le seul mec, en fait, qui arrive à citer tout le titre en japonais, comme voilà, ça. Avec une prononciation horrible. Et le réalisateur, lui, c'était un Miyazaki, il le considérait vraiment comme son fils spirituel, mais le mec a cassé sa pipe. Il est mort jeune d'une maladie, et voilà. Donc, voilà. Et il y a Hideaki Anno, le père de la Gainax, le créateur d'Evangelion, qui lui, on le sait, s'est fait un ancien animateur du studio Ghibli, et il a travaillé sur Nausicaa, tout ça, et puis il est parti. Mais quand on regarde Gunbuster de la Gainax, eh ben on s'aperçoit par exemple qu'il y a un poster de Totoro qui affiche dans la chambre de l'héroïne, il y a même un poster de Nausicaa, tout ça c'est des clins d'œil de Hideaki Anno à celui qui a peut-être été son père spirituel et son mentor à une époque. Et du coup, il y a eu un joli petit retour de la part de Miyazaki envers Hideaki Anno. Dans Le Vent se lève, en 2013, Miyazaki a demandé à Hideaki Anno de faire la voix du héros. Or, le héros, il a la vingtaine, tout ça, après la trentaine, Hideaki Anno, il a la cinquantaine, voire plus, quoi. Et ça se voit quand on écoute la VO, la VOST, quand on la voit, on se dit, mais c'est pas la voix d'un jeune, etc. C'est vrai, j'ai plus souvenir. Mais c'est, voilà, c'est, on y a vu comme peut-être une sorte d'hommage de Miyazaki, ce qui est d'ailleurs assez rare venant de Miyazaki, quoi. C'est, voilà, c'est, donc voilà, pour la question de Miyazaki, Studio Ghibli, et encore à l'époque actuelle, Studio Ghibli, donc ils ont fait un nouveau film avec le garçon Léon. Il y a une série d'animation qui s'appelle Ronia ou Ronda et les pirates, je sais trop quoi, qui est sortie en DVD, c'est ça que j'ai offert à quelqu'un. Mais le truc est passé totalement inaperçu. C'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, même s'il y a eu des collaborations entre le studio Ghibli, par exemple pour les jeux vidéo pour Ni no Kuni sur PlayStation 3 et Ni no Kuni 2, ils ont même fait un film d'animation Ni no Kuni pour Netflix, qui n'a rien à voir avec les jeux où Ghibli, le studio Ghibli avait signé les visuels, tout ça, etc. Ça reprend juste en fait la franchise. On continue de penser que Studio Ghibli disparaîtra quand Miyazaki disparaîtra. Triste à dire, mais... Mais voilà, il faut pas se leurrer. Si Miyazaki lui-même commence à s'interroger à 82 ans, ça veut dire que... Voilà, c'est... On est en point de suspension. Le nombre de fois où il a dit qu'il arrêtait, puis finalement il continue, c'est quelque part, il sait qu'il y a une continuité après lui qui est difficile aussi. Tu sais qu'une continuité difficile, d'autant plus que Takahata a disparu. Takahata nous a quittés il y a quelques années. Après avoir fait en 2013 le film avec la jeune fille qui est le conte de la jeune fille avec qui vient de la lune, je pense. Hein? On a un trou, c'est pas grave. Une jeune fille qui vient de la lune? Ouais, ça va nous revenir. Parce que en fait, Ghibli c'était surtout Takahata et Miyazaki. Donc. C'est vrai que, voilà, même s'il y a eu des petits films à l'intérieur du studio, comme justement Le Royaume des Chats, ou Arrietty, ou Souvenir de Marnie, ces films-là n'ont pas dégagé, n'ont pas soulevé non plus énormément les foules, tout ça, quoi. Parce qu'à l'époque, quand il y a eu Titanic, le seul film qui, en face, a tenu tête, c'est Le Voyage de Chihiro, qui a démonté complètement le record au Japon. Donc, voilà, Le Conte de la Princesse Kaguya, tout à fait. Oui, parce qu'elle vient de la lune, mais ça on le sait qu'à la fin du film, voilà. D'accord. Petit détail, elle a été élevée par les humains et à la fin, il faut qu'elle reparte. J'ai fait l'impasse sur celui-là. Le film est magnifique, mais voilà, c'est Takahata. Alors Miyazaki a toujours une même patte graphique. Et Takahata, par contre, on regarde même nos voisins les Yamada, ouais. C'est presque, je dirais pas des dessins d'enfants, mais c'est des dessins tout mignons, tout ça. Là, Le Conte de la Princesse Kaguya, c'est pareil. C'est des dessins très épurés, presque à la pastel, voilà. Mais c'est Takahata qui a toujours voulu un petit peu changer, explorer. Tandis que, quand tu regardes Le Tombeau du Lucioles, là, on est vraiment dans le style à la Ghibli, voilà. D'ailleurs, Le Tombeau du Lucioles, c'est 89. Juste après, au moment, même période, on a... En 89, on a Kiki, ou Miyazaki. Le Tombeau du Lucioles, moi, j'ai quand même l'impression que c'est une production à part, quoi. En fait, elle est tellement empreinte de gravité que même si tu as des côtés un peu mélancoliques, un peu tristes en plein d'œuvres, je trouve que Le Tombeau des Lucioles, il est très très grave et que c'est sûrement très personnel aussi comme travail. Alors, oui, il y a de ça, mais c'est pour ça que je disais que c'était pas les mêmes caractères, parce qu'il y a aussi des moments un peu durs dans Pompoko aussi, on a tendance à l'oublier, quand tu vois, parce que c'est avec des petits ratons laveurs, tout ça, des tanuki. Mais quand on voit un qui a été écrasé sur la route et qui est à moitié mort, tu fais « Ah d'accord, tu verras pas ça chez Miyazaki, quoi !» T'as ça, il y avait aussi dans... Il y a toujours eu des moments comme ça, et même, il y a un passage... Là, je pense à la boum avec Sophie Marceau, mais parce que un film de Takahata qui s'appelle « Souvenir goutte à goutte », où à un moment, tout se passe bien, et puis dans le film, il y a le père qui fout une gifle à la fille. Et là, voilà, et même dans l'époque, au moment où il tourne le film au Japon... voilà, c'est où tu fais « Ouh, ça passe pas, quoi ». Même quand tu regardes le film aujourd'hui, ça passe pas non plus, quoi. C'est, je dirais pas que c'est un élément incongru. Et voilà, même Le Conte de la Princesse Kaguya, comme je t'ai dit, qui la fin se révèle hyper déchirante. Voilà, il y a quand même... voilà, c'est pas les mêmes caractères entre Takahata et Miyazaki. Donc oui, on a l'impression que c'est un peu à part. Je pense qu'il faut replacer ça dans la filmographie de Takahata. Et globalement, c'est vrai que... C'est un peu comme si t'avais DreamWorks avec d'un côté Spielberg et puis de l'autre côté Bergman. Ça te montre un peu le fossé, quoi. Voilà, je caricature un peu, mais en fait, quand les gens nous disent « Oh, les films de Studio Ghibli, c'est fabuleux !» Tout ce que ça me donne l'envie, c'est de voir une adaptation en dessin animé 3D d'un film de Bergman. Hein. Ah, mais t'inquiète pas, on va pouvoir le faire. on va peut-être le faire. Non, mais tu vois, les gens à chaque fois ils disent « Oh, j'ai vu un Ghibli !» Non, mais 90% du temps, en fait, ils parlent d'un film de Miyazaki. Il faut pas se leurrer. Voilà, parce que « Oh, j'ai vu un Ghibli, c'est vachement bien !» C'est quoi ?« Autour de Luciole !» Ah, d'accord. En général, non, on va pas vous dire ça. On va dire « Ah, j'ai vu un film avec un cochon qui vole, etc. » Comment ça s'appelle ?« Porco Rosso !»« Oh, c'est vachement bien, la VF avec Jean Reno !» Mais oui ! C'était la grande époque des films avec les VF fabuleuses qui passaient sur Canal+, tout ça. Donc voilà, les Miyazaki pour les périodes de Noël, c'est voilà. Il y en a qui se revoient ça comme les Disney. D'ailleurs, il y en a plein qui se revoient des Disney en cette période, voilà, chacun son camp. Moi, j'ai été plus élevé avec l'animation japonaise et Miyazaki d'autres choses que Disney. Et c'est vrai que Disney, je me suis mis, je dirais pas tardivement, mais voilà, je redécouvre Disney de nos jours, etc. Il y a des Disney que j'ai jamais vus. Il y en a que je revois après tout le monde, La Princesse et la Grenouille, je n'ai pas encore vu, bon, c'est un Disney récent. Mais non, c'est pas Disney, par contre, c'est vrai que chaque année, t'avais tous les dessins animés qui repassaient, notamment les Astérix et les Tex Avery. Le soir, les Tex Avery. Sur France 3, exactement. À minuit. Exactement. Au moment des fêtes, qu'est-ce qu'on a regardé et en famille? Je me souviens, ma mère, elle me les enregistrait pour que je me les repasse après, parce que ça passait à minuit et des patates. Hein. Eh ben, je suis désolé, mais il fallait rester éveillé. Bon, non, mais c'est vrai, les Tex Avery, je l'ai regardé. Voilà. Mais on reste dans cette période des années 90 où t'avais les Charlie Chaplin, t'avais les Tex Avery, t'avais tout ça. Pendant ce temps, il y avait Patrick Sébastien qui faisait le con sur France 2 ou TF1. Oui, ça faisait ça toute l'année. Donc... Mais voilà, voilà, mais voilà. Et t'avais le plus grand cabaret de Paris avec des vues de Bilido pour pouvoir bien se rasser l'œil le soir du 31. Je sais plus trop quoi, j'avoue aussi. Et puis, oui, voilà, Tex Avery, tout ça. Non, par contre, c'est vrai que... Les Contes de la Crypte aussi, qui rediffusaient des épisodes spéciaux aussi. Mais c'est... Ouais, mais t'as toujours eu des séries qui, avec leur épisode spéciaux. Mais c'est vrai que, du coup, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai qu'on a toujours bouffé du téléfilm. Du téléfilm les après-midi pendant les vacances. Mais là, en fait, tu ouvres un Netflix, tu ouvres un Prime, ils ont pris le schéma. Tu as toutes les... prod en fait dernière qui nous arrive des Lifetime, Hallmark et d'autres chaînes américaines avec tous les mecs qui jouent dans des séries télé et qui se trouvent c'est pas pour autant, enfin je sais pas, tu regardes, t'as toujours une prod où tu dis tiens la meuf, ah bah c'est elle, joue dans telle série cette meuf là, ou t'as Vanessa Jones en fait, pour tous ceux qui ont aimé High School Musical, Vanessa Jones elle fait rien, c'est à dire qu'elle a fait tu sais, le film d'Harmony Korine, Spring Breakers, mais qu'aurait pu lui ouvrir en fait finalement une porte vers d'autres films si vraiment elle a vraiment poussé le truc. Mais en fait maintenant, tu la vois, elle fait plein de suites sur l'histoire d'une princesse pour chaque téléfilm de Noël en fait. Mais écoute, si elle aime les princesses... Je crois que c'est un créneau commercial, quoi. Ah, ben, complètement. Et c'est vrai que du coup, moi, j'avais été étonnée de voir que même Kurt Russell faisait son truc. En plus, il faisait à Goldie Hawn, donc ça fait vraiment... On fait ça en famille, en plus, tu vois. C'est un peu ça. Donc, et je te dis, cette année, bah, avec Eddie Murphy pour On a la candidate. Eddie Murphy, tu sais pas trop, en fait, si, à quel moment de sa carrière elle est star. En fait, il a des carrières où, un coup, tu le sens, ça va un peu moins bien, un coup, il revient. Et puis c'est au moment où t'as l'impression qu'il revient, où il recommence à faire des trucs un peu plus comme avant, en fait, où tu te dis, mais ça va bien ou ça va pas, tu vois. Parce qu'il y a eu un Prince à New York 2, qui a été fait aussi pour la période de Noël, à peu près. Mais du coup, moi j'ai envie de me revoir le premier, du coup, avec tout ça, quoi. Mais tu vois, c'était un peu... C'est un peu bizarre. Puis je te dis même, le truc où finalement t'as... En fait... Je vais voir Winter Breaks et puis je me dis bon, ok. Puis à la fin, je me dis putain, mais en fait, c'est un film de Noël. En fait. Et puis, tu sais, au fur et à mesure, je regardais le truc, je me dis, mais en fait, y a rien de fou en fait, comme ficelle scénaristique. C'est toujours les mêmes ficelles en fait. Deux personnes qui se découvrent, qui peuvent pas se blairer au départ, qui se découvrent, qui finissent par s'apprécier et finalement, ils vont se couvrir l'un et l'autre, quoi. Tellement ils se sont appréciés en fait. Et tu te dis, mais en fait, c'est. Alors que le film de base est censé être un truc, je te dis, Alexander Payne qui retrouve Paul Giamatti. Alors voilà. Que si t'avais regardé Le Garçon et les Ronds, ben t'aurais eu une bonne surprise. Non, mais il n'y a pas que les Bref. Est-ce que The Killer sur Netflix peut être considéré comme un film de Noël? Je sais pas, il est dans ma liste, mais je ne l'ai pas encore maté, donc... Ah, il faut le voir. Ah ouais, je le materai avant la fin du mois, ça c'est sûr. Donc voilà. Puis il y a le film avec... dans les sorties récentes, il y a un film avec un casting qui a l'air pas mal du tout, avec Julia Roberts, Ethan Hawke... Oui, Le Monde Après Nous. Voilà, exactement. Ou même t'as Mahershala Ali aussi qui est dedans, enfin... Et tu te dis, ce film-là, avec ce casting-là, il est sorti sur Netflix? C'est un film de fin du monde, en fait. C'est pas un film de Noël, c'est un film de fin du monde, d'apocalypse. Ben oui, mais je suis désolée, mais l'époque, peut-être, se prête à voir des films de fin du monde. Ah, mais je suis plus partant que ça que pour les films de Noël basiques. Non, toi, tu vas sûrement te faire les Miyazaki en marathon pour Noël. Moi, je vais me faire les films de Noël d'horreur. Déconne pas, j'ai prévu d'en voir un ou deux chez mes parents, là. Non, moi, je vais me faire les films de Noël d'horreur, parce que c'est plus... la période, et puis comme ça je fais deux pierres deux coups parce que j'ai pas eu le temps de mater des films pour Halloween, donc voilà. Donc... oui, c'est vrai. Donc voilà, mais c'était un peu notre petit hommage sur les films de Noël cette année, sachant que le marché se développe de plus en plus et qu'il va falloir faire avec, en fait. Ça fait 20 ans que le marché des films de Noël existe, quoi. Ouais, plus. Ouais, même plus. Mais là, vraiment, avec le développement des plateformes de streaming, ça prend des proportions... Incroyable. Bah ouais. Donc, voilà. Et puis, je te dis, avant, je t'aurais jamais... généralement, les productions de Noël, c'était plutôt... c'est passé à la trappe. Moi, cette année, j'étais étonnée de voir autant de gens qui faisaient des TikTok pour en parler, quoi. Donc... Ce qui serait intéressant, c'est de constater si t'as un VPN, de regarder Netflix en Corée, tous les films de Corée du Sud qui sont avec des trucs de Noël et ça. Parce qu'eux, ils ont pas mal de drama, de trucs, de nous dire eux aussi, ils doivent bien en balancer, quoi. Ben Netflix, pas des productions asiatiques, on peut regarder. J'en ai déjà vu un récemment, mais par contre, c'était pas très. Ouais, non, bref, donc on espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On vous retrouve... Ne forcez pas trop sur le chocolat. C'est ça. Oui. On vous retrouve au mois de janvier, en fait, pour faire le bilan de l'année. De cette année cinéma. Moi, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Hein, donc je trouve que globalement, l'année 2023 a été assez bonne. Même les festivals de cinéma, on a pu aller... Ah, papa, dis rien, je sais. Sans spoiler, c'était des bons crus. Et même on dit sur les plateformes, que ce soit au cinéma ou sur les Netflix ou Amazon Prime, il y a des trucs intéressants, vraiment pas mal, quoi. Donc, Ouais, je pense que les productions Prime, ça se commence un peu à se tâter parce qu'on est moins dans la démonstration des débuts où on dit regardez ce qu'on peut faire sur Netflix. Et du coup, on est peut-être plus concentré sur les films à faire. Mais voilà, je viens juste de parler il y a un instant de The Killer. Ce genre de film, si tu me demandais de choisir 4-5 films pour la VOD ou DVD ou machin, etc., je dirais, ah bah The Killer, il serait dedans. Voilà. Bon, attends, on va voir ça au mois de janvier. Hein. On reparlera au mois de janvier avec... Son seul tort n'est pas être sorti au cinéma, c'est dommage. Ou, ça sera pas un peu le film, tu te dis pourquoi il n'est pas sorti au cinéma. Hein. Mais t'es d'accord avec moi, Katou, qu'on a eu quand même quelques bons, très bons films. Ouais. Et puis on sera sûrement avec notre cher ami Geoffrey... pour ce bilan. Voilà. Oui. Donc voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Ciao.